L'édition de ce soir du Undead Incorporated Show Réanimation fera suite à mes expériences des derniers jours. Effectivement, les rencontres que j'ai eues avec mes derniers patients, se sont poursuivies beaucoup plus longtemps qu'ils ne le croyaient et ou ne l'espéraient. Ces dites rencontres se sont transformées en véritables entrevues, à l'exception que lorsque je posais une question, je ne voulais pas que ce soit eux qui répondent. Je préférais de loin le faire à leur place, comme par exemple, question. Vous, monsieur, aimeriez-vous que je vous lobotomise? Réponse. Bien sûr que j'aimerais que vous me lobotomisiez, docteur. Et ainsi de suite pour plusieurs questions. Résultat, nous avons gagné énormément de temps en évitant toutes ces formalités informelles et préambules inutiles, et nous sommes allés directement dans le vif du sujet. Où était-ce le sujet qui était au vif? Bon, peu importe. Ce n'est que détail futile. C'est dans cet ordre d'idées que je recevrai ce soir, en entrevue, la formation exotoxique qui renaît de ses cendres. En plus de la présentation de deux nouveaux albums qui risquent d'obtenir de l'intérêt. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout lorsqu'ils considèrent qu'aller au fond des choses ne passe pas toujours par les voies traditionnelles. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, 'cause I, Pendragon, said so. Doom, go. Yeah. d'informations, visitez cifou.ca. Bonjour, ici Noé Talbot qui vous parle en direct de la 4e Rivière. Je voulais pas dire que c'est fou de jouer à C'est fou, fait que c'est débile de jouer à C'est fou. Vous m'aviez tant promis. Vous faites écouter mon tout dernier extrait, Matane. J'ai failli l'appeler. Qu'est-ce qui est écrit? Trois-Rivières. Sauf qu'il n'y a pas de crevette à Trois-Rivières. Fait que j'ai appelé Matane. Vous écoutez Noé Talbot sur les ondes de C'est fou. Et reste à qui, ce qui est pour nous dire adieu. Si on a déjà tout vendu, même notre Dieu. L'atelier Fer à bois, c'est deux gars qui font des maudits beaux meubles en acier et en bois de tout genre. C'est aussi deux gars qui se payent une pub sur une radio étudiante qui savent très bien que ça donnera pas grand-chose. L'atelier Fer à bois, artisan net, vraiment net. Atelier Fer à bois sur Facebook, ferabois.com et plein d'autres affaires. Hey Kat! Tu sais que le festival Vue sur la relève arrive à grands pas? J'ai tellement hâte! En tout cas, nous, le théâtre Petit Crime contre l'humanité, on va être là. Ouais, mais t'oublie pas aussi qu'il y aura plein d'artistes émergents dans toutes les disciplines des arts de la scène. Ouais, oui, puis en plus, il y aura des parrains de soirée. T'imagines? Karine Ouellette, Valérie Blais, Gazeline! Wow, méchant festival! On répète les dates? Du 9 au 20 mai, dans plusieurs salles à Montréal. Le festival Vue sur la relève, en collaboration avec Québécois. Billets, vuesurlarelève.com. On vous attend! Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation, première d'avril, en ce 4 avril, bien sûr, de l'an de disgrâce 2017. Je suis Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. En ouverture d'émission avec ce premier bloc, nous avons droit à l'instant avant la pause publicitaire de, nous avons eu droit plutôt à la formation du Texas The Sword. Pièce tirée de leur 4e et selon moi très bon et pas mal meilleur jusqu'à présent, Apocryphon, soit la pièce Dying Hearth, séparée en 2012 sur Razor and Tie. Je note que la dernière apparition de la formation de Sword était vraiment ennuyante. c'est une question de goût, mais bon. Je détiens la vérité, n'oubliez pas. Juste avant, Down, excellente formation qui donne dans le Stoner, formation de la Nouvelle-Orléans. Et la pièce Three Sons and One Star, tirée de Down 3, Over the Under, qui est paru en 2007 sur ILG. J'espère vraiment que Down va remettre l'enregistrement studio de nouvelles pièces originales éventuellement, parce que c'est une formation que j'aime beaucoup. Justement, la défunte formation, une formation défunte effectivement, soit Cathedral, formation britannique, qui a mis fin à ses activités en 2013. Selon les membres du groupe, ils avaient fait pas mal le tour de la question. Mais je serais pas surpris que d'ici quelques années, peut-être avant, que Cathedral décide de reprendre du service. La pièce est un Utopian Blaster qui est tiré de Carnival Bizarre, leur troisième album paru en 95 sur E-Rake. Et nous avons ouvert avec, je dois dire une de mes révélations 2017 que j'ai connue grâce à mon pote Sinistros, Dope Lord, formation polonaise, formation qui donne dans un doom, je dirais... très original. La pièce est un Scum Priest qui est tirée de Children of Haze, leur troisième paru sur étiquette Green Plate Records. C'est une formation que j'ai commencé à découvrir tranquillement, pas vite, ce que Dope Lord faisait, comme entre autres avec l'album précédent Black Arts, Riff Worship and Weed Cult. Et je dois dire que je trouve ça tout aussi intéressant. Donc, si vous êtes amateur de Doom, et comme je recommence plutôt à l'être de plus en plus, c'est une très bonne formation à découvrir. Ce soir, présentation de deux albums de nouveautés, soit en Memoriam, formation de death metal britannique, et Cut-Up, formation suédoise, qui donne dans... vous allez le voir, c'est pas reposant. très bon par contre. Et j'aurai aussi le plaisir de recevoir trois membres de la formation Exotoxique qui renaissent ses cendres, comme je l'ai dit en ouverture, en présentation de l'émission plutôt. Je les aurai vers, je dirais 20h20, 20h30. Là, je devrais les avoir pour, évidemment, le spectacle qui aura lieu mardi prochain, soit le 11, en compagnie de Gorguts, qui se tiendra au Trou du Diable, ici à Shawinigan. Donc, on entretiendra avec les membres, du moins certains membres d'Exotoxique, et puis ils vont pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il y en est, et ainsi de suite. On va poursuivre musicalement tout de suite parce que le temps joue tout le temps un petit peu contre nous, malheureusement, je dois le dire, avec un bloc qui donne dans, justement, du death metal. Débutons tout de suite avec la formation allemande The Star of Madness of Despair. Let's go!

Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Ne manquez pas le prochain spectacle de la programmation de la shop du Trou du Diable. The Mahones et les Trimpes, présentés au Salon Wabasso de la shop du Trou du Diable dès 21h au coût de 15$. Pour une soirée punk irlandais et du rock blues francophone, c'est le 8 avril prochain au Salon Wabasso de la shop du Trou du Diable. Du lundi au jeudi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Médecine, sport, sciences, musique, vocabulaire, politique, discussion. Actualité, connaissances générales, gadgets, malbouffe, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Assemblage requis, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, en direct à partir de 7h30. Assemblage requis. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 17h. Pile, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show, et ça jusqu'à 21h. Avant la pause publicitaire, on a eu la très bonne formation, les Maltese Beheaded, tiré de leur plus récente parution, soit le 5e Beast Incarnate, qui est paru le 27 janvier dernier, la pièce étant Punishment of the Grave. Sous étiquette Unique Leader, c'est vraiment une des belles révélations aussi que j'ai eues jusqu'à présent en 2017. Sinister et cette formation hollandaise est également tirée de leur plus récente parution, parue le 24 février dernier sur Massacre Records, soit Syncretism, leur 13e, et la pièce Black Slithering Mass. C'est mon Valgrind, une formation qui vient d'Italie. Et la pièce Obscure the Sun, tirée de leur deuxième album Speech of the Flames, qui paraît en 2017, début 2017, sur les étiquettes Lord of the Flies, ça aussi j'ai bien aimé. Et Stars of Madness, ces Allemands, et leur premier album The Truth Beneath, qui est paru de façon indépendante aussi en début d'année, et la pièce étant Despair. Je vous amène tout de suite faire un tour du côté cinéma et séries télévisées. Eh bien, j'ai eu le grand bonheur délectable, je dois dire, de suivre et de terminer cette 4e et dernière saison de la série d'aventure Black Sails, qui met en vedette les péripéties du Captain Flint, de Long John Silver, de Barbe Noire alias Edward Teach, de Charles Vane, de Jack Rackham, qui deviendra Jack Rackham le Rouge, et ainsi de suite. C'est vraiment une excellente saison. C'est une très bonne série. 10 épisodes en moyenne de presque une heure chacune. La dernière saison, la 4e, qui a été malheureusement la dernière, comme je le disais, parce que les... les promoteurs, voilà, c'est ça, qui sont probablement derrière le canal spécialisé Stars, ont dit à Jonathan Eisenberg, entre autres, un des réalisateurs, ont dit « Ben, ça attire pas comme on voulait, donc ce sera la dernière. » Mais heureusement, ils l'ont dit à peu près au début du tournage de la 4e saison, donc ils étaient capables de ficeler ça pour faire une finale qui n'est pas un cul de poisson, qui, je dirais, conclut assez bien la chose. Très, très bon, Black Sails. Autre truc que j'ai écouté, qui est une nouveauté, qui porte le nom de Friend Request, qui est un film d'horreur, connotation thriller, de Simon Verhoeven. J'avais énormément d'appréhension, je m'attendais vraiment pas grand-chose. Quand on parle de réseaux sociaux, moi, je suis pas très, très chaud à ça. Et le film est directement relié à ça. Et bien, surprise, contre toute attente, le film est assez divertissant et assez original, je dois dire. Écoute, écoute, comme si c'était peut-être juste une personne qui m'écoute aussi, ça se pourrait, ça. Écoutez plutôt. C'est un film qui semble tomber dans, en fait, dans la manière où on le présente, dans les clichés de films ados, qui, ben, j'ai rien contre les films ados, c'est juste que j'en ne suis plus un, je vois moins d'intérêt à ça, mais qui sont très redondants souvent et très répétitifs, eh bien non, c'est pas le cas. Free and Request est un film qui est très divertissant, je dois le dire. Ben, ça conclut la chronique cinéma et séries télévisées parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire et j'ai pas eu le grand temps d'écouter autre chose non plus. Je vous amène maintenant à la première présentation de la soirée, qui est une formation britannique qui vient de Birmingham, qui porte le nom de Memorium. C'est leur premier album qui porte le titre de For the Fallen, qui est paru le 24 mars dernier, donc c'est encore relativement frais, hein, n'est-ce pas? Sous étiquette Nuclear Blast. Formation qui met en scène deux ex-membres de Bolt Thrower, formation dont on sait qu'ils ont arrêté leurs activités suite au décès de leur batteur. Je parle du chanteur Carl Willetts, qui a évolué jusque dans les années 96, peut-être? Oui. Ainsi qu'Andrew Whale, batteur qui, lui, était là jusqu'en 94. Ils sont supportés, ou en fait, ils se sont associés au bassiste Frank Haley, qui est aussi dans Benediction, entre autres, qui était aussi de passage dans Napalm Death, ainsi qu'en Anthrax. Et de Scott Fairfax, le guitariste, qui lui aussi est de Benediction, qui a joué, entre autres, Benediction au niveau des prestations spectacles. Il était aussi dans un ex-Exploder, Anal Backcharge et Life Denied, formation que je connais beaucoup moins. Bref, leur premier album, qui porte le nom, comme j'ai dit, For the Fallen, a été une belle révélation pour moi. Faut aimer le genre Bolt Thrower parce que ça en est pratiquement, évidemment, avec l'influence qu'il y a de deux membres qui sont dans le groupe. Mais c'est fort intéressant. Il y a des pièces qui sont parfois très lourdes et une, entre autres, que je vais vous présenter, la deuxième, Corrupted System, qui frise, par contre, un peu le punk, je dois dire. Mais ça rentre très, très bien dans le style. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous propose trois pièces qui sont respectivement War Rages On, poursuivi de, comme je viens de le dire, The Corrupted System, et on va conclure ce triplé avec Resistance, This Is a Memoriam, let's go! A state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war. War. Time. Formation britannique Memorium, leur premier album For the Fallen, qui est paru le 24 mars dernier. Bon, on peut quasiment encore considérer ça comme étant une nouveauté, quoique maintenant, deux jours après, ça rend vieillerie. Sous étiquette Nuclear Blast, on a entendu la septième pièce de l'album Resistance, qui est une de mes préférées, qui était précédée par Corrupted System, qui est celle qui détonne le plus de l'album, dans le sens qu'elle est beaucoup plus énergique et a tendance un peu punk, mais je trouve qu'elle est excellente aussi. Et on est ouvert avec la deuxième pièce de cet album, War Rages On. Très bonne formation, j'aime beaucoup, beaucoup. On reconnaît bien sûr le vocal de Carl Willits, ex-Bolt-Thrower. On reconnaît aussi, bien sûr, la signature de Bolt-Thrower, qui est une formation le concept était autour de la guerre, Memorium aussi. 20h21, on va passer tout de suite à la deuxième présentation, devrais-je dire, de la soirée, qui s'adresse à une formation qui porte le nom de Cut-Up, formation suédoise qui donne dans un death metal, je dois dire, assez turbulent par moment. Formation qui existe depuis 2014. Il s'agit de leur deuxième album, soit Wherever They May Wrath, qui est paru le 24 mars également. J'ai découvert le groupe avec cet album et j'ai été quand même assez surpris, je dois dire, de cette espèce d'énergie qui tournoie autour des haut-parleurs quand on écoute ça. Donc, je vous propose immédiatement d'en écouter trois pièces qui sont respectivement From Here to Here, qui sera suivi de Necrophagic Madness et ainsi de Psycho Surgery. This is Cut Up. Let's go.

20h31 et je rentre quasiment dans mon horaire. On vient d'entendre la formation Caught Up. Deuxième album pour ces Suédois, album qui porte le nom de Wherever They May Wrath, qui est paru le 24 mars dernier sur Metal Blade. On a entendu les pièces Psycho Surgery précédées de Necrophagic Madness. Et en ouverture, From Here to Here. Et si ça vous donne l'impression du son déjà entendu, c'est qu'il y a des ex-membres de l'ex, ben, de la défunte formation Vomitory qui sont dans Caught Up. J'ai beaucoup aimé ça. On va aller en pause publicitaire et tout de suite après, on revient en entrevue avec trois des membres de la formation Exotoxic. C'est fou, 89.1. Voix d'Afrique, émission d'actualité africaine, les dimanches 8h sur C'est Fou, 89.1 FM. L'atelier Fer à bois, c'est deux gars qui font des maudits beaux meubles en acier et en bois de tout genre. C'est aussi deux gars qui se payent une pub sur une radio étudiante qui savent très bien que ça donnera pas grand-chose. L'atelier Fer à bois, artisan honnête, vraiment honnête. Atelier Fer à bois sur Facebook, ferabois.com et plein d'autres affaires. Comme un compliment. Le Mathieu Plante Show vous comprend. Suivez la chronique télévisuelle Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, sans oublier la rubrique Jeux vidéo d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, tous les mercredis de 15h à 17h. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Ben, c'est là que ça se passe. Ça va être mon calvaire de fin d'émission parce que l'ancien assistant Jeff est de retour. Bonjour! Bonjour! On dit bonsoir, Jeff. Ben, on dit bonsoir. À toi, on dit des niaiseries, mais au monde, on dit des bonnes choses. Ça part bien. Le temps va être long. Cette demi-heure-là va bien me paraître une éternité. Trois des membres de la formation Exotoxic, vous avez reconnu Jeff, bien sûr. On a Dominique Nau. Bonjour, Dominique. Bonsoir. Bonsoir, excuse-moi, moi-même, tu vas bien me reprendre. Et bien on bonsoir. A Stéphane Bard-Patrie. À la batterie. Ah, par ça. Oui. J'ai l'impression de voir la formation. J'ai l'impression d'avoir en entrevue la formation de Fuck the Middle East. Ben, c'est pas mal ça aussi. C'est ça aussi. c'est Fuck the Middle East qui s'est renouvelé en faisant d'autres vieilleries. Mais il vous manque un membre, là. Oui. Oui. Qui est Steve Douville, c'est ça? Non. Ça, c'était l'ancien guitariste Jeff a remplacé. OK. Mais le bassiste, c'est Benoît Nadeau. Ah, OK. Un bûcheron là-dessus quoi. Un bûcheron là-dessus quoi. qui était membre avec moi dans Zonk fin 90, début 2000. Oui, je me rappelle. Ouais. Exotoxic, c'est une formation qui a vu le jour en 89, si je ne m'abuse. On peut dire 88-89, là, dans ce coin-là. 88-89, qui a été en activité jusque vers 94 initialement, c'est ça? Oui, c'est ça. J'aimerais ça que vous nous brossiez un peu le tableau. Peut-être plus Stéphane et Dominique, parce que toi, Jeff, ça ne tente pas de t'entendre. La seule affaire que je peux dire, c'était les Sauvages de Saint-Georges. Bon, quand on allait à Saint-Georges, c'était eux autres qui menaient le trouble. Bon, okay. Toute une réputation. Oui, ça ben, portait bien fondée aussi. Ben, je vous laisse un peu donner un peu l'historique du groupe. Ben non, c'est une joke. J'ai commencé à jouer de la guitare en 86. Je connaissais Stéphane. On était passionnés de métal, tous les deux. Ce qui est encore le cas. Ouais, c'est absolument. Ça, ce qui est encore le cas. Et puis, Stéphane s'est acheté une batterie environ, je dirais, un an après. OK. On s'est mis à pratiquer dans la cave, tranquillement. Mm-hmm. On a formé Exotoxic. On a fait des compositions. C'est donc votre premier band. Ouais, c'est notre premier band de vie. Okay. Ouais, on faisait du trash au début, inspiré par Sepultura, Creator. Mm-hmm. Les groupes de ces époques-là. C'est ça, on faisait des compositions dans ce genre-là. On avait 3-4 compositions. Il y avait Face the Facts, Décadence, Decade, Post-War Period. À un moment donné, on a décidé de prendre toutes ces chansons-là, de prendre toutes les bouts qui rentrent le plus, puis de les mettre ensemble, puis de faire une chanson. Okay. Ce qui est devenu Face the Facts. Mm-hmm. Tourne de 1 minute 54. Puis là, Stéphane Toumo, on a trouvé que c'était vers ce genre-là qu'on voulait aller. OK. Suite à cette position, cette prise de position au niveau du style musical, vous avez continué pendant quand même, je dirais, 5 ou 6 ans, si on veut. Oui. D'autres membres se sont greffés à vous. Qui était? On a eu Steve Douville, qui était guitariste pour nous autres. OK. Mais au début, on était un trio avec Denis Fortin, qui était notre bassman. OK. Quand on faisait des covers, Denis était très talentueux, était bon. Puis mm-hmm. ça avançait notre affaire. OK. Après ça, c'est rajouté Steve. Mm-hmm. C'est là qu'on a commencé à composer des chansons plus avec Steve. Plus faire du matériel avec Steve. Original. A développé des solos. Il allait d'un solo. Il était bon. J'étais plus rythmique, on peut dire. OK. Qu'est-ce qui a mis fin aux activités d'Exotoxic en 94? Une chicane de vieux couple. Chicane de vieux couple. C'est un peu ça. Ah oui, des mésententes. Ouais, puis moi, pis, moi, j'étais sur le party pas mal. Mais ça, c'est stéréotypé, ça arrive à plein de groupes, ça. C'est ça. Puis à un moment donné, Stéphane est parti. OK. On a essayé par la suite de continuer ça, mais on trouvait pas personne qui avait la drive de bord pour drummer du exo. La chimie était pas là. C'est ça. Okay. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quitté parce qu'on c'était à grand-mère qu'on était établi. Mm-hmm. Puis j'ai quitté grand-mère, je me suis emmené à Trois-Rivières. Fait que j'ai comme coupé les ponts en même temps là, pendant un méchant bout. Ouais, c'est sûr que là, à ce moment-là, la distance était peut-être pas. Là. Non, c'est ça. Fait que. Dans le temps, les gars se promenaient en bicycle à pédale. Oui, c'est sûr que ça pouvait faire un petit peu long après les pratiquer. En savoir de Saint-Rard. J'en conviens. Pause en 94. On est rendu en 2001, si je ne m'abuse, pour le Metal Fest. Le premier Metal Fest. 2000. C'est 2001. Premier Metal Fest que toi, Jeff, dont tu étais l'instigateur avec Trois-Rivières Metal. Le band se reforme. Comment c'est arrivé? Ben, je pense que je peux en dire un petit bout. Là. Certainement, ouais, t'as le droit de t'en dire. On est au mois d'août, on est chez... On est chez Dan Mosh. À son party de Bledain. Son party de Bledain. Là, on se met à jaser. Là, je lui dis ça, que je monte un Metal Fest avec Samuel. Puis, ah, il dit, ça serait le fun si on montrait Exo. Puis là, d'une affaire à l'autre, en parlant, ben là, on... Les affaires d'Exo, ça se décide bien vite, parce que tu vas voir comment que ça s'est décidé la dernière shot, là. Puis en espace un soir, ben... Le band est remonté. Lui, il dit, OK, c'est Benoît qui a joué à base. OK. Qui joue avec nous actuellement. Autrement dit, c'est le dernier baseman qui a joué avec Exo. OK. Ouais, parce qu'on avait redemandé à Marcel Junior Fugère. C'était lui qui était le bassiste sur le démo sur qu'on avait fait. Ouais. Et tout. Puis les shows, la run de shows qu'on avait fait par après, puis tout ça. Mm-hmm. Finalement, ben lui, il était plus pendant le show, il était plus un personnage. Ouais. Il y avait eu une espèce de mise en scène un peu obscure, je dirais. Il faisait un méchant avec un crochet, puis il y avait une ballerine à côté. Je me rappelle de ça. Il faisait des mouvements saccadés par un arrière. Fait que je trouvais que, connaissant... Essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Ah oui. Connaissant Exo, ça ne fitait pas. Là. Il y avait un coup... Mais lui, il tripait plus ça. Il était rendu là. OK. Junior, là. Fait que là, c'est ça. On est remonté pour un show, puis là, on a mis Zang aussi sur le Metal Fest. Fait que, bon, il y a eu deux gars sur les deux gars d'Exotoxic qui faisaient les deux. Qui avaient deux double duty, ouais. Comme on peut dire. On était un trio ce soir-là. OK. Mais, puis c'est ça. Après ça, ben, ça s'est perdu dans le brume. Mais après ce spectacle-là, au Metal Fest. On voulait comme boucler la boucle, parce que moi, je trouvais qu'Exo, ça avait fini comme en queue de poisson. Okay. Et puis là, on se disait, je demandais à Stéphane, on finit tout ça, là, tu sais, on fait un show, puis close the door. On va bien finir. C'est ça. Okay. C'était ça le finir sans beauté. Fait qu'il n'y avait pas de projet autre, il n'y a pas eu de discussion qui a été faite pour dire on pourrait peut-être remettre ça ou quoi que ce soit. Non. C'était one shot deal, puis c'était fini après. Mais qu'est-ce qui a fait que pratiquement 17 ans plus tard, que là, vous avez été obligé de supporter celui qui est avec vous autres, qui est revenu à ses anciennes amours, je parle de la guitare. Oui. T'es retourné à la guitare, Jeff. Toi qui es bassiste dans Fuck the Middle East. Ben là, de Fuck the Middle East, on a monté ça en 2007. Mm-hmm. Okay? C'était en 2007. Vous avez rencontré encore moi avec une idée. On se montre un hommage à quelque chose. Puis ça a tombé sur SOD, puis ça a fait quasiment 10 ans. On a fait un bon trip avec ça. Mais là, je pense, depuis l'année passée, on se questionnait. On disait, tu sais, c'est toujours le même setlist, toujours le même genre de poutine. Okay. On fait toujours le même... Tu sais, à un moment donné, on en faisait moins de shows par année, de plus en plus. parce que là, on était peut-être... on a fait le tour du jardin. Je te dis pas qu'on ne fera pas un moment donné un show de Saudi de même, là, mais pour l'instant, regarde, ce projet-là est arrivé à point parce que ça nous a amené la super énergie qu'on a. Là, c'est super le fun. Là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Là, c'est toi qui vas compter. Ben, vas-y, là, un de mes amis, Simon Pérus, qui a une compagnie de disques, les productions Les Fleurs du Bal, qui lui fait des cassettes. OK. Lui, il me dit, je serais intéressé à refaire le démo d'Exotoxic. Bon, je ne dis pas de trouble avec ça. Oups, on ça ressent à l'amorce un peu. On placote un peu, on discute sur Facebook. Puis là, Simon, il me dit, ça fait combien de temps? Là, j'ai dit 192. Il dit, Colin, ça va, 2017, c'est 25 ans. Oui, oui, c'est vrai. Il dit, on pourrait se faire un 25 ans. Fait que de fil en aiguille, on discute de même. Là, à un moment donné, Simon me demande, on pourrait-tu faire un live? Là, moi, je dis, je ne penserai pas. Steve, je pense pas qu'il va embarquer là-dedans. Je pense pas que Marcel va embarquer non plus. Je sais pas. Là, tu sais, je penserai pas. Mais j'ai dit, je vais m'informer pareil. Okay. Fait que, un soir de jam chez Godas, je demande à Stéphane. J'ai dit, ça te tenterait-tu qu'on reparte de quoi d'exo? Qu'on en refasse? Qu'on fasse un spectacle? Puis peut-être voir après qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, advienne que pourra. Comme connaissant Stéphane, il dit oui à tout ce qu'il a rapport à Stéphane, il a dit oui. Ouais, il pense que ce soir, il dit oui. Ben, il y avait une couple de bien de prix, fait que pour le temps réfléchir. Je dis oui à tout dans ça. Fait que c'est ça, Simon était un peu l'instigateur de ça, lui, avec son projet. J'en ai parlé à Stéphane. Après ça, on a dit, on le fait, puis peu importe le line-up, on le fait. OK. Fait qu'on demande à Marcel, on demande à Steve. Mais... Marcel, bon, il n'a pas embarqué. Steve non plus. Fait que là, on s'est tourné vers Benoît, qui... Benoît, il faisait une bonne job. Il a du talent, il est bon au bout. Il est très bon, il a de l'oreille au bout. Il fit, il aime ça, là, quand ça bûche puis que ça rentre. C'est un basement de death metal. Ah, oh, carrément. Fait que, puis là, après ça, ben, je discute avec Stéphane sur Facebook, on en parle à Godas, puis tout. Il dit, oh, non. Ouais. Là, je suis réticent en tabarnak, je me dis, oh, pas encore lui. Là, Stéphane, j'ai dit, je vais le coacher, Godas, je vais aller souvent chez eux, on va travailler fort. Puis c'est ce qu'on a fait, stratégique. Non, mais ça reste que, oui, j'ai travaillé fort parce que. Ce style-là, moi, je vois plus du trash, du dead trash, mais les autres, c'est de la défense. Ouais, c'est plus, il y a encore, j'imagine, une espèce de soupçon de grind là-dedans. Là. Ben, c'est absolument, oui. Ouais. Moi, je pense que le côté grind, c'est le côté un peu social qu'on a. On parle pas de démons de Satan, de rien de tout ça, ça nous intéresse pas. Ben, drôle, on parle plus de la vie. Ce que tu dis, Dominique, est très drôle. Le grind, c'est plus le côté social. Ben non, c'est pas... Je comprends, ouais. Parce que si tu... Selon toi, Doc, c'est-tu du death metal ou du grain, du exotoxique? Ben, honnêtement, je sais même pas c'est quoi exotoxique. Non, c'est pas vrai. Non, moi, je dirais que... Honnêtement, moi, la façon que ça me sonne à l'oreille, ça a plus d'influence peut-être vers le death. Mais il y a une petite portion, de temps en temps, même que je trouve un petit peu crossover dedans, peut-être. Non, peut-être. Ouais. Mais bon, écoute, peu importe. Mais là. Ça reste que ça défonce. Là, le but, c'est de bûcher, c'est de varger. Ben, je pense que vous allez l'atteindre. Ouais, je pense que vous allez l'atteindre. Dans les premières pratiques, j'ai comme découvert qu'on pouvait avoir un certain malaise. On peut avoir un échauffement sur le bord du poignet ici. Oui, oui, oui. Et non pour des raisons. Pas pour des raisons médicales. Non. Des raisons guitares. Non, mais ça faisait longtemps que tu avais probablement pas piqué aussi vite que ça pas guitare. Aussi vite, non. Je veux dire, j'ai jamais été dans un band qui piquait aussi vite. Là, okay. Fait que ça pique, là. Ça... Mais à un moment donné, c'est comme n'importe quoi. Tu ça revient. T'en fais, puis tu t'embarques dans. Ouais. Puis ça, c'est le tour des autres. Fait que là, il faut que je m'adapte à les chansons. Ben ouais. La manière qu'ils composaient, tout ça, c'est pas comme si c'est ton band à toi. Là. Non, je comprends. Comme un band de cover que tu prends des covers, mais c'est super le fun, ben genre. Mais là, Stéphane, le band est reformé. Oui. Le band est reformé, puis toujours avec ce que Dominique disait, l'histoire du 25e, ressortir le démo pour 25 ans sous forme cassette, comme c'était dans la belle époque, si on veut, d'une certaine façon. Exact. Ça se fait. Jeff se joint à vous autres. Benoît, le bassiste, revient. Benoît, ça a été vite aussi, hein? Tu l'avais appelé. Benoît, c'était oui tout de suite, mais il m'a dit, quand j'embarque dans le coin, il y a beaucoup de dents, fait qu'il est en plan. Peut-être que c'est pas un an qu'il attendait à côté du téléphone que tu l'appelles. Peut-être. Non, mais il reste à la tuque, puis tu sais, c'est quand même du voyageur. Oui, absolument. Oui. Fait que c'est... Il y a du vouloir. Oui. Absolument. Il est passionné. Oui. Mais là, vous décidez que on monte la bande, ce qui fait pas tant de temps que ça, on s'entend. Là, on parle pas d'il y a un an, là. Non, non. C'est, quand est-ce c'est, qu'on a commencé? On parle du temps des fêtes aussi qu'on a commencé. Ça se calcule en mois, là. Ouais, ouais, c'est en mois. Le temps des fêtes. Ah, oui, c'est ça. Et là, lui, je le vois venir, là. Monsieur Hull qui est là. J'imagine qu'en décidant de faire venir Gorguts pour mardi prochain, il dit ben pourquoi qu'on se bouquerait pas avec le show? Hein? Ça ressemble à ça. Tout compris. Ouais, ben nous autres, on a trouvé que c'était une bonne idée parce que la dernière fois que Gorguts sont venus à Shawinigan, vous aviez joué. C'était nous autres qui jouaient avec eux autres. Je me rappelle. En 91. Ouais. Et oui. Donc, vous avez décidé de vous remettre dans le bain carrément. Carrément. OK. Ouais. Le processus de d'exotoxique aujourd'hui, est-ce qu'il ressemble un peu à celui qui était à l'époque ou c'est complètement différent? La ligne de conduite, la façon de faire les choses est adaptée à 2017 ou vous ramenez avec la sauce de l'époque un peu? Ben là, il faut dire que pour les chansons du démo, on les fait intégrer. Ouais, c'est là, des chansons ouais. enregistrées. On a quatre autres compositions de fêtes qu'on a enregistrées sur un tape okay. qu'on a l'intention. Actuel. Ouais, ouais, que, qu'on a, là, qui, okay. sont, qui ont été composées à l'époque, pas okay. dans ce temps-là. On n'a rien de nouveau de okay, là. C'est bon. Là, on a l'intention de les regarder, ces chansons-là, d'y remonter, d'y modifier, d'y... D'y mettre à la goût du jour. Oui, goût du jour, moi, je trouve que ça vaut la peine d'y remonter okay. ces chansons-là. C'est, on a quand même travaillé fort pour les faire, puis oh, oui. ça a fini en queue de poisson, fait que... Ah, puis après ça, si tout va bien, puis si on s'amuse, puis si on a du fun, doc, ben on continue. Ben, je pense que c'est le but ultime d'avoir du fun. Ben oui. Au spectacle, on va avoir des covers aussi. Que vous allez faire des covers, ouais. Ouais, okay. Des vieux covers qu'on faisait dans le temps. OK. Donc, ah, ben. Des vieilles chansons. Messieurs, je vous propose d'aller écouter deux pièces tirées de ce démo Face the Facts qui est paru en 92. On va écouter, ben, sous les suggestions de notre ami Jeff, on va écouter la pièce Decadence Decade ainsi que The Art Inquirer. On écoute ça puis on revient en ondes. D'accord? Good. Let's go. Un bon deal. Yeah. We'll be right back. Exotoxic. On vient d'entendre deux pièces tirées de leur démo paru en 92, soit Face the Facts. On vient d'entendre The Heart Inquirer et c'était précédé de Decadence Decade. Messieurs, qu'en pensez-vous de vous écouter aujourd'hui? Aujourd'hui? Je considère que ça a bien vieilli, sans être prétentieux. Je trouve que ça a quand même bien vieilli. Aucune prétention là, il faut savoir dire les vraies choses. Vous êtes encore satisfait de ce que vous aviez fait comme matériel? Oui, sauf le son. Ouais, c'est ça. C'est on était jeunes, puis il y a des erreurs qu'on a faites sur ce démo-là. C'est pas parfait, là. 92. Non, mais ça, c'est le on aurait eu besoin d'un grand frère. Ouais, ben ça, il y a bien du monde qui en a besoin, ça a l'air. mais ça, le son, Stéphane, c'était à l'époque. Hein? Non, je sais. Mais ça reste avec les moyens du bord, puis c'était pas... C'est quand même raw, là. Je veux dire, ça fit avec le style aussi. Ça fit avec le style, oui, effectivement. Puis aujourd'hui, ben, on peut se permettre de faire les choses à la maison au niveau du studio. Hein. Oh, oui, c'est ça. C'était pas le cas, c'était pas accessible à l'époque. Où ce qu'on a enregistré, je pense, le gars, il connaissait pas vraiment ça, le métal non plus. Ben, c'est un des gros problèmes, souvent. On avait une base, là, Marcel, bien grinder, avec de la distorsion, là, bien à côté de la barreur. Et puis le matin, Marcel était parti plus de bonne heure à l'enregistrer. On avait été le rejoindre, mais maintenant, on arrive là, puis. Il disait, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, ça marche pas. Et j'essaie de rentrer ça dans mon compresseur. Le technicien nous dit ça, puis il dit, ça bourre. Fait qu'il dit, il faut que j'enlève la distorsion. Tu sais, dans ce temps-là, moi, je connaissais rien là-dedans. Je dis, oh, c'est dommage, tu sais, un peu. Ça sera aujourd'hui, là. Je dirais, là, tu vas prendre ton micro, là, tu vas aller le mettre en arrière de la boîte à marde, là. Ouais, tu vas le mettre. Si tes aiguilles de VU, je m'en fous, là. Grand, tu sais, on ne savait pas à l'époque. C'est dommage. Hey, bon. Non, ben, c'est sûr que tu le dis, Dominique, on était jeunes, vous étiez jeunes. T'as pas la même conception de la musique, t'as pas aucune conception business dans cette histoire-là. Là. Tout ce que tu fais, c'est de triper, toi, tu sais. Ben, c'est sûr. Tu fais des tunes, tu t'amuses, tu à fond la caisse, tu penses pas à ce qui vient alentour, puis des fois, ben, ça donne pas le résultat que tu veux. C'est sûr que. Moi, je pensais plus à la caisse de bière qu'il y avait après avoir fait ma traque de drame. Ben, qui ne l'a pas fait, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça reste, moi, je considère que le son, même si c'est un peu. Un peu rough, ça fit bien avec le style du band, puis ça s'écoute quand même relativement correct. Définitivement, on a entendu des choses qui étaient beaucoup plus actuelles et 100 fois plus horribles que ça, là. Donc, je considère que ça l'a quand même assez bien vieilli. Oui. Mais refaire ces tunes-là enregistrées aujourd'hui, ça a passé le test du temps. Oh, grande parole! Mais pour ceux qui vont vouloir vraiment avoir ça comme une pièce d'anthologie, on va avoir ça en cassette et on va l'avoir en CD. Oh, en CD au aussi. Spectacle. OK. On fait une édition limitée là, du démo, les 4 tonnes, puis ce sera pas cher. Puis ceux qui vont vouloir l'avoir comme pièce de collection, écoute, Exotoxic en CD, là, ça prenait 25 ans plus tard pour le faire. Ah oui, mais écoute, on fait avec les moyens qu'on a à l'époque. Mais justement, ça m'appelle à ce que vous me parliez un peu de ce spectacle-là qui va avoir lieu mardi prochain au Trou du Diable. Oui. Qui sera le volontaire pour en parler? Ben moi. Ah ben évidemment. C'est sûr, on va laisser le promoteur parler. Sans ça, il va me taper. Il y a une face qui te regarde dans le vite, là. Oui, ils ont le droit. Ben oui, mais on fait ce sont nos successeurs. OK. Donc, le spectacle de Gorguts, moi je dis que ça va être un très bon spectacle parce que au Trou du Diable, c'est une salle. J'ai jamais vu. C'est comme un petit pub, mais c'est très chaleureux. Je dirais là que c'est une belle petite grandeur. Puis tu sais, il y a beaucoup de shows qui se passent là. Okay, comme dernièrement, il y a eu, je pense, 20 semaines, il y a eu Grimmskank. OK. Il y a plusieurs choses que... Donc, c'était Shawinigan, c'est au salon Wabasso de la shop du Trou du Diable. Ça, c'est l'ancienne Wabasso. Mm-hmm. Oh oui. Donc, puis c'est le fun parce que c'est une microbrasserie. Ils ont toutes les sortes de bières. Fait que... Tu peux donner l'adresse, s'il te plaît, Jeff? L'adresse, c'est 1250 avenue de la station Shawinigan. C'est en face de l'ancienne gare, c'est ça? Hein? Ouais, qui a plus de gare. Là, les postes à 7 heures, puis nous, on commence à 8 heures. OK. Puis avec nous, il va y avoir Dysrhythmia. C'est les deux musiciens qu'il y a dans Gorguts, les deux Américains. Oui. Plus le drummer, qui sont trois. C'est un peu style Gorguts, mais. C'est un peu dans la veine, oui. Dans la veine de Gorguts. Puis t'as Gorguts avec Patrice Hamelin au drum, qui est toujours là, qui était dans Martyr. Tout à fait. C'est une très bonne formation, Gorguts, d'ailleurs. Puis je te dirais que ça va être un show à voir parce que Gorguts, c'est vraiment la crème de la crème pour ce genre-là. Okay? Je suis parfaitement d'accord avec nous autres, c'est quasiment qu'on va détonner dans le décor. Ben, pas tant que ça, je crois pas, non. Non, je pense que ça va être un bon complément. Vu ça, c'est plus technique, ouais. Nous autres, on est plus rentre-dedans, mais c'est quand même technique là, qu'est-ce qu'on fait là, malgré tout. Mais là, ton poignet, il en sait quelque chose. Il est bien correct. Ouais. Il est revenu à sa normale. Parfait. On est correct. Bon, ben écoutez, j'invite tout le monde à aller voir Exotoxic avec Gorgots mardi prochain, le 11 avril. Répète l'endroit exactement, Jeff. C'est le salon Babasso de la shop du Trou du Diable. On dit le Trou du Diable. Oui, le Trou du Diable, qui est une microbrasserie, c'est ça? C'est une microbrasserie, fait que c'est à Shawinigan. C'est sûr que c'est pas à Trois-Rivières, mais un petit coup de gaz, puis on est bien rendu. C'est pas très loin. C'est pas sûr, c'est 15-20 minutes, là. Fait que de Trois-Rivières. Fait que. Puis les billets sont en vente au coût de 20 $ aux deux puces rock. Oui. Et au Metal Punk. D'accord. Et à la shop du Trou du Diable. Excellent. Et moi, j'en ai aussi. S'il y en a qui me connaissent, ils veulent l'avoir directement. Tout le monde te connaît, toi. Certaines gens se me connaissent. Oui, malheureusement. Hey, messieurs, il me reste plus qu'à vous dire que je vous souhaite une bonne continuité dans le groupe. J'avais oublié de te dire qu'on va. Exotoxique n'arrêtera pas à ce spectacle-là. Ben, c'est ce que je crois avoir compris à travers tout ça. On va aller jouer au Granio Minds. Fait que finalement, vous êtes vraiment parti pour. Puis un retour à Trois-Rivières pour le mois de novembre qu'on va revenir. Ouais. On a comme des choses sur le feu. C'est excellent. Donc, j'avais raison de vous dire bonne continuité pour les projets futurs. Yes. Fait qu'on t'invite long comme le bras au spectacle, mon cher Dragon. Ben, ça me fait plaisir. Fait que venez une festoyer avec des vieux de la vieille. Exactement. Merci, messieurs, de vous être joints à moi ce soir pour nous parler de cette renaissance d'Exotoxique. Merci beaucoup. Je vous invite à écouter Matière Noire qui va commencer un petit peu en retard. Je m'en excuse, les gars, qui commence à l'instant. Je vous invite aussi à écouter ce vendredi dès 11h Rock Classic avec le Rockmaster René Lefebvre. Moi, je n'y serai pas cette semaine. Écoutez Subversion avec DJ Tower of Death ce vendredi dès 18h30 sur Underground Québec et sur SoundCloud. Visitez le blog de Sinistro sur lamort.com. La semaine prochaine, si vous m'entendez pas, c'est parce que je suis au show de Gorgots et d'Exotoxique. Sur ce, see you et allez tous vous faire foutre. Yeah!